Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine de la santé Libre-Échange. Libre-Échange qui est un magazine qui parle de la santé, qui parle du bien-être, qui parle de beaucoup de choses et notamment dans l'intérêt général des populations. Alors aujourd'hui, je fais une émission un peu spéciale à l'extérieur, en direct du CIO de Verdun. Alors qu'est-ce que le CIO ? Pour ce faire, j'ai tout autour de moi de charmantes dames qui font partie de cet organisme. Le CIO, ça vous dit quelque chose, mais justement, le but, c'est d'en parler. Et malheureusement, c'est un organisme aujourd'hui, et je fais appel à vous aussi pour soutenir le CIO, parce que c'est un organisme avec la nouvelle réorganisation au niveau national, au niveau de l'éducation nationale, qui risque de disparaître. C'est bien dommage. Pour quelle raison ? Eh bien, vous allez le voir tout au long de cette émission, où nous allons en parler. Pour ce faire, donc, j'ai le plaisir d'avoir en interview Madame Rousseau, Sylvie Rousseau-Vic, qui est la directrice du CIO de Verdun. Bonjour, bonjour Sylvie. Bonjour et bienvenue au CIO de Verdun. Alors le CIO, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on peut peut-être le définir. Donc centre d'information et d'orientation, on est un service public de proximité pour le public scolaire et non scolaire. Il y a à peu près 390 CIO en France. On était 600 il y a encore une quinzaine d'années. Donc vous voyez, on a déjà diminué et on craint, par rapport aux annonces qui ont été faites, de disparaître à la rentrée, pas prochaine, mais celle de 2019. Donc le CIO est là pour accueillir, comme je le disais, tous les publics. On s'adresse particulièrement au public scolaire, mais aussi au non scolaire. C'est une de nos missions d'accueillir tous les jeunes qui voudraient revenir à l'école, qui ont besoin d'aide, qui se sentent mal à l'école. On est là pour les accompagner, mais aussi le public adulte. J'en passe et des meilleurs. Les publics allophones qui voudraient rentrer à l'école, des jeunes qui ont besoin de faire le point sur leur orientation. Voilà un peu le public auquel on s'adresse, avec des missions tout aussi différentes, mais on pourra revenir peut-être là-dessus. Parce que présentation. Je peux présenter le CIO de Verdun. Donc, CIO de Verdun, il y a 6 psychologues de l'éducation nationale, comme vous les voyez autour de cette table. On a 2 secrétaires et une directrice, donc moi-même. Et l'équipe s'occupe aussi des établissements publics dont elles ont la charge. Donc, une partie de leur temps se passe en établissement scolaire. Et une autre partie au CIO. Elles ont toutes en moyenne en charge 3 établissements scolaires. Ça leur fait à peu près 1100 élèves en charge sur notre bassin, parce qu'en fait, il y a un CIO par bassin d'éducation. Alors, je donne le site internet sur lequel on peut retrouver de précieuses informations. Alors, c'est l'exemple, il suffit d'aller sur le site des moteurs de recherche, on fait CIO, on trouve les sites. Mais par exemple, pour Verdun, c'est www.4.ac-nancy-metz.fr, sur lequel, donc, c'est la région Lorraine, mais qu'on retrouve, beaucoup d'informations. Alors, moi, la question, on parle Lorraine, mais aujourd'hui, on parle du Grand Est, la grande région, Grand Est, Lorraine, Champagne, Ardennes, Alsace, le nom est assez long. Est-ce que, justement, dans cette réorganisation qui a été mise en place, est-ce que ça a influé un petit peu sur l'organisation du CIO ? Est-ce que, par rapport à ça, le CIO a été refondé, retravailler, recomposer? Alors, on reste toujours au niveau de l'académie, parce que les académies scolaires, c'est donc en fait, correspond à l'ancienne région de la Lorraine, donc on est de l'académie Nancy-Metz, par rapport à la grande région. Ça, c'est peut-être ce qui va nous arriver. Il n'y a pas encore de refonte des services, mais c'est ce qu'on entend dire, des refontes de services, parce qu'il y a une loi qui vient de passer, qui est portée par le ministère du Travail, qui s'appelle « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Et dans le cadre de cette loi, le ministère de l'Éducation nationale donne aux régions, à la grande région, à toutes les régions, la mission d'information et d'orientation. C'est-à-dire que c'est les régions qui vont informer maintenant les élèves sur les métiers, sur les études. Alors que c'était une mission qui nous était dévolue, nous les CIO. C'était pas notre seule mission. Et parce que on donnerait ça aux régions, le ministère de l'Éducation nationale nous aurait annoncé la suppression de nos services, comme si on ne faisait que de l'information sur les études et les métiers. Oui, c'est important de lui défendre. Est-ce que c'est pas un peu une façon, un petit peu, de faire des substantielles économies, si je peux dire, quelque part, de profiter de cette petite mouvance-là, de changement, pour dire, bah tiens, une fois de plus, on réduit un petit peu les budgets, les effectifs, parce qu'on voit dans l'éducation nationale aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans professeurs, qui sont également chefs d'établissement, qui me disent qu'ils souffrent justement de cette proximité d'éducation et puis d'effectifs. Alors d'un autre côté, on dit oui, il y a l'illettrisme en France. Le problème, le niveau scolaire baisse. Les enfants, on a de plus en plus de mal au niveau de l'éducation, d'avoir un niveau. Je veux dire, on dit que le niveau baisse. Et puis d'un autre côté, donc c'est paradoxal parce qu'on donne pas les moyens. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a peut-être une question de moyens. Parce que, par contre, si les CIO sont supprimés, nous on reste fonctionnaires et les psyennes seront nommées en établissement. Donc il y aura pas d'économie. Importante parce que les salaires sont toujours là. Par contre, sur le coût du CIO, comme m'a dit un jour un député, on coûte peanuts. C'est-à-dire, on a moins de 2000 euros de budget de fonctionnement par an. On a 16 000 euros de loyer par an pour l'eau et l'électricité. On ne coûte pas grand-chose. Donc, si c'est la raison invoquée, je pense qu'elle ne se justifie pas. Mais ça, c'est mon avis. Par contre, je pense... Bien sûr, c'est important de le savoir. Et on va en parler aussi un petit peu autour de nous, avec les personnes qui sont là. Alors, je rappelle aussi le site pour soutenir votre action. Hein. Il suffit d'aller sur Google, on fait non à la suppression des CIO, et on tombe le site sur les pétitions que j'encourage, chers auditrices, auditeurs, à le faire. Moi, le premier, je le fais, parce que il en va pour l'intérêt des enfants. Question qui me vient à l'esprit, Sylvie. Qu'est-ce que ça va porter comme séquence s'il y a une nouvelle organisation qui est mise en place? Parce qu'il y aura toujours cette proximité au niveau pour les élèves, mais est-ce que vous craignez qu'il y aura une réduction peut-être de public? Oui, parce que dans les établissements scolaires, en plus elles sont dans des établissements scolaires publics, alors qu'ici on reçoit ceux qui viennent du privé, on reçoit ceux qui viennent du ministère de l'Agriculture, on reçoit les non-scolarisés, des adultes qui recherchent une reconversion. C'est des publics qui n'iront pas dans les établissements scolaires. C'est des publics qu'on va perdre, et souvent des publics qui sont assez démunis, et quelque part on va les laisser aux portes de l'accompagnement de la réussite, j'ai l'impression. Eh oui. Alors, à côté de moi, j'ai Madame Emmanuelle Miron. Bonjour Emmanuelle. Bonjour à tous. Vous êtes psychologue titulaire, c'est bien ça. Alors, quelle est votre activité au quotidien d'un point de vue général, et puis on rentrera un petit peu plus dans les détails. Alors c'est vrai que notre temps, comme disait la directrice, on se partage entre nos établissements scolaires. Donc c'est vrai qu'il faut quand même, en tant que psychologue de l'éducation nationale, avoir quand même une souplesse. On est assez disponible au niveau des établissements et nous sollicite beaucoup. On a des permanences fixes, mais on intervient aussi pour les conseils de classe, pour des séances collectives. Et puis on a des permanences au CIO de Verdun. Donc c'est vrai qu'il faut être souple dans son organisation et puis penser un peu à tout. On a un agenda qui est assez chargé, mais le plus important, nous, ce qu'on a l'inquiétude, c'est surtout le travail en équipe que l'on fait tous ensemble. On se retrouve régulièrement en réunion de centre pour échanger sur les situations, avoir une aide, un appui, et puis collaborer pour mettre en place des actions. Et puis voilà, c'est vrai que c'est ce qu'on défend. Oui, c'est un travail donc transversal. Vous travaillez, c'est-à-dire qu'en amont, pour essayer de faire un petit peu une cartographie, une représentation de votre activité, c'est-à-dire que d'un côté, vous recevez du public extérieur, comme le disait Madame Roussovic, la directrice, tout public extérieur qui vient ici au CIO pour l'orientation. Moi, le premier, je suis venu vous rencontrer. On aura le plaisir d'avoir Madame Martin avec qui on va pouvoir, en parler un petit peu, sur un exemple concret. Mais donc tout public extérieur, vous êtes le relais, je veux dire, et aussi avec l'éducation nationale, c'est ça. Vous êtes en relais aussi avec les professeurs, avec les enseignants. Comment ça se passe? Les parents aussi. En fait, on est intérieur et extérieur dans les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur parce qu'effectivement, on travaille pour les élèves, pour la réussite des élèves et les accompagner à ce qu'ils puissent avoir un parcours adapté en fonction de chacun. Bien évidemment, on est tous différents et on a le droit d'avoir un parcours différent. Et puis après, on travaille aussi à l'extérieur. C'est ce qui est notre avantage aussi. aussi, c'est qu'on n'a pas, on travaille pas pour la politique de l'établissement. On travaille aussi pour le bien-être de l'élève. Et c'est vrai que le fait d'être au CIO, d'avoir des permanences au CIO, ça rassure aussi certains élèves qui sont un peu en décrochage au niveau des établissements scolaires. Et du coup, ben, venir au CIO, voilà, ça leur fait un endroit neutre. C'est, voilà, la neutralité, c'est ce qu'on défend aussi, la neutralité du service. La neutralité du service. Alors, vous parlez justement de l'échec scolaire. Est-ce que quelle est votre position? Qu'est-ce que vous ressentez d'un point de vue général au cours de l'évolution des différentes années? Est-ce que vous ressentez justement qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont en échec scolaire? Est-ce qu'il y a des segments de population qui sont plus touchés que d'autres, ou des zones géographiques? Comment vous ressentez les choses? L'échec scolaire, c'est vaste, hein. Ça va bien de sûr. L'élève absentéiste à l'élève qui en situation de mal-être au quotidien dans l'établissement, ça va de l'élève voilà, qui ne trouve pas de plaisir dans la formation dans laquelle il est. Hein. On voit pas mal, nous, on travaille aussi dans l'établissement scolaire, notamment le lycée professionnel, où là on parle de réorientation, parce que évidemment qu'il y a orientation, mais il y a affectation. Et là, c'est vrai que les élèves, quand ils sont affectés dans une filière, ben, c'est pas forcément celle qu'ils ont choisie en premier. Donc des fois, c'est un. Voilà, on travaille avec de l'humain. Et l'humain, ça change. Un élève qui a 15 ans, ça change aussi. Parfois, il a son projet, ben, à l'instant T, c'est ça. Puis un autre jour, un autre moment dans l'année, ah ben non, c'est autre chose parce qu'il a vécu d'expériences, il a rencontré des personnes. Voilà, donc voilà, c'est pas toujours facile. Décrochage, bon, ben voilà, c'est tellement vaste, la question est tellement vaste. On est un maillon d'une chaîne. Hein, on est là pour la réussite des élèves. On essaye aussi de leur trouver ce qui leur correspond le mieux et apporter une formation, une qualification qui, à la fin, ils pourront se permettre d'être insérés dans le monde professionnel. Alors, est-ce que vous sentez que, peut-être, on voit qu'au travers des informations, des médias, et oui, aussi, il y a des médias, mais d'un point de vue général, on dit qu'il y a une baisse du niveau des élèves en France, de la formation, de l'instruction. Est-ce que vous ressentez cela? Est-ce que au CIO, vous pouvez l'identifier ou pas? Non, pas vraiment. Enfin, pas vraiment. Nous, on n'est pas enseignants, donc le niveau... Oui. Après, c'est vrai qu'on nous demande, évidemment, en tant que psychologue, on nous demande d'intervenir pour voir des élèves pour éventuellement des orientations dans des structures plus adaptées, hein, évidemment, mais individualiser les parcours. Mais après, le niveau baisse, non, c'est pas ce qu'on observe précisément. Madame Sophie Martin, bonjour. Vous êtes psychologue. Ça fait 17 ans que vous travaillez au sein de la structure de CIO. Alors, justement, vous, qu'est-ce qui vous a amené à emboîter le métier de psychologue, si je peux dire, et de rentrer au sein d'un CIO? Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, ma motivation première, c'est de pouvoir travailler avec différents publics, quels qu'ils soient, de manière à pouvoir effectivement travailler sur l'humain, comme ma collègue l'a souligné tout à l'heure. Pour moi, c'est très important de pouvoir travailler sur les intérêts des élèves, sur leurs projets professionnels, en mettant en adéquation, je dirais, et la connaissance de soi, et la connaissance du métier, et la connaissance des formations, et de faire du lien, une adéquation entre différents éléments. Parce qu'effectivement, se connaître, qui est à mon sens, pour moi, le plus important, parce qu'effectivement, on ne fait pas une formation sans forcément bien se connaître. Donc, c'est deux points qui sont fortement liés. Donc, moi, ma motivation, c'est effectivement de pouvoir aider les élèves, les accompagner au mieux dans leur projet, dans leur projet de vie, dans leur projet professionnel, en tenant compte de différents facteurs en termes d'aptitude, de capacité, mais également en termes de goût, d'intérêt. Alors justement, bien souvent, moi étant extérieur, on intervient, on fait appel au CIO en disant, ben voilà, j'ai mon enfant qui est en situation d'échec, est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que je peux faire? Mais il n'y a peut-être pas que cela, cette situation-là. C'est-à-dire que dans l'orientation générale de la vie, c'est-à-dire, arriver, rentrer en 6e, 5e, dans son parcours, avoir des conseils simplement en disant, parce que bien souvent aujourd'hui, il y a l'orientation dans l'éducation nationale, l'éducation dans le cadre de la formation initiale, il y a tellement de choses aujourd'hui, on voit l'évolution au niveau des formations, des diplômes, hein, ça peut être sur l'environnement, la santé, le juridique, enfin très large. Alors justement, il y a une vocation aussi pour ce renseignement en amont. Oui, effectivement, le conseil en orientation, c'est aussi effectivement accompagner au mieux l'élève par rapport à l'instant T où il est ou comment il le vit. Donc effectivement, notre travail aussi en entretien avec les élèves, c'est par rapport à un élève effectivement qui peut être décrocheur ou qui n'est pas bien dans sa classe, son ressenti. Donc il y a tout un travail qui est fait avec lui aussi par rapport à sa propre motivation pour essayer de le remotiver. Et c'est vrai que c'est un travail finalement de fourmi hein, qui est invisible, mais qui est très présent dans notre quotidien. Puisque lorsque des élèves viennent souvent avec une première demande, on s'aperçoit que la première demande n'est pas celle en fait au départ, mais il y a beaucoup plus de choses qui se cachent derrière et on travaille là-dessus. Et c'est vrai que le fait de travailler sur le ressenti de l'élève par rapport à sa classe, par rapport à ses camarades, par rapport à son environnement aussi familial qui peut aussi avoir une incidence sur ses résultats scolaires, c'est pas parce que tout le monde peut avoir une mauvaise note, c'est pas, je veux dire, enfin, ça n'est pas arrivé. Donc, mais il y en a pour qui avoir une mauvaise note, c'est très difficile et très compliqué à vivre. Et donc, par conséquent, c'est cet entretien là aussi qui permet d'avoir un éclairage différent. Comme on n'est pas professeur, on n'est pas l'enseignant, donc du coup on n'a pas du tout le même regard que l'enseignant. L'enseignant va plutôt regarder effectivement les résultats scolaires, comment il se comporte en classe, quelle est son attitude de manière générale, alors que nous on a ces éléments là qu'on va prendre en compte, mais avec d'autres éléments par rapport à une manière d'entretien. Et un entretien avec un professeur et un entretien avec un psychologue de l'éducation nationale, ce sera pas le même, parce qu'on n'utilisera pas les mêmes mots, on n'utilisera pas la même façon de voir non plus les choses. Donc forcément, le lien est complètement différent, puisque eux, les enseignants, effectivement, ils vont le voir au quotidien, tous les jours, alors que nous, effectivement, on va le voir de manière ponctuelle. Mais c'est justement ça qui est riche, puisque finalement, on est quelqu'un de neutre. Et je pense qu'au niveau des services, c'est vraiment ça qu'on défend. C'est la neutralité et la confidentialité. Et ça, on le dit en fait aux élèves. Il y a des choses qu'on va pouvoir dire, d'autres qu'on ne dira pas. Parce qu'effectivement, on peut donner quelques explications au professeur de manière à ce qu'il comprenne un petit peu mieux la situation de l'élève. Mais il y a des éléments qu'on dira et d'autres non. Et toujours en accord avec l'élève. Donc d'où ce lien de confiance par rapport à cette confidentialité. Alors justement, d'après ce que je comprends, c'est que l'étudiant, la personne, se retrouve vous mettez en confiance, si je puis dire, et l'intérêt aussi, c'est de se retrouver, il y a moins de pression, il se retrouve dans un lieu neutre, c'est bien ça, et donc ça permet de mieux se libérer peut-être. Mieux se libérer, et puis aussi essayer aussi de comprendre ce qui fait que je suis dans telle ou telle difficulté, ou pas, parce qu'on vient nous voir si effectivement on peut être en difficulté scolaire, mais pas forcément en difficulté scolaire, puisqu'on est quand même sur le projet professionnel, donc ça concerne vraiment tous les élèves, de tous les publics, quelles que soient les aptitudes que l'on a. Donc effectivement, ça peut être de très bons élèves, comme d'élèves plus moyens, ou effectivement des élèves qui seraient en grande difficulté scolaire, où effectivement on va être amené à pouvoir faire des évaluations ou des tests pour comprendre. Et surtout, je dirais, ce qui est important par rapport à cette mise en confiance de l'élève, c'est aussi se dire que chacun a des possibilités. Parce que moi j'aime bien parler de possibilités, de capacités, et pas forcément de notes. Parce que pour moi une note ça ne veut rien dire. Donc oui, on a une note, effectivement, mais c'est pas forcément qui reflète l'individu. Parce qu'il faut essayer de comprendre aussi ce qui fait que j'ai tel ou tel résultat. Donc on a des capacités, on a des possibilités et on essaye de voir par rapport à ce qui on est, qu'est-ce qui sera le mieux pour nous. En fait, on pourrait l'imager par la différence entre connaissances et compétences, peut-être. Oui, si on l'imagine dans la vie active, dans le travail, on va évaluer une personne en disant voilà, il a des connaissances et il a des compétences. Oui. Alors après, effectivement, il y a connaissances, compétences, donc les deux sont imbriqués. Et puis, c'est aussi un mélange des deux. Et puis, on avance avec son expérience, sachant qu'effectivement, le chemin de l'école est beaucoup sur maintenant en termes de compétences. Alors, on va revenir un petit peu vers vous, Madame Martin, après, pour justement, on va voir que aussi le CIO travaille sur l'orientation, il travaille à l'accueil, notamment aussi, par exemple, d'étudiants étrangers. Et on pourra, avec une je ne vais pas dire une étude de cas, mais je veux dire par rapport à une situation qu'on a vécue ensemble. Je vais m'adresser là maintenant à Madame Catherine Gabriel. Bonjour Catherine. Bonjour. Ça va, c'est pas trop dur ? Ça va, ça se passe bien. Je suis pas trop dur, ça va, ça se passe bien. Tout va bien, tout se passe bien. Alors, justement, vous, vous êtes faites partie c'est votre première année du CIO. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, quelles sont les études que vous avez faites? Parce que vous êtes psychologue. Alors, bien souvent, les personnes confondent un petit peu psychologue, psychiatre. Ils vont chez le psychologue, et des fois, ils comprennent pas. Ah, oui, mais je suis pas remboursé. Enfin, bon, ça, c'est une aparté. Et ils arrivent peut-être à le déterminer un peu comme ça. Mais quelle est la différence? Le parcours, quelles sont les différences entre les deux déjà? D'accord. Alors déjà, il faut savoir qu'autour de la table, effectivement, nous sommes toutes psychologues. Être psychologue de l'éducation nationale, c'est avoir un master en psychologie, donc un bac plus 5, ainsi que le titre de psychologue qui nous est donné suite à un stage professionnel. On nous donne vraiment le titre, donc le droit d'exercer. Et autour de la table, nous avons toutes, en tant que psychologues de travail, le titre de psychologue. C'est une fonction qui est reconnue officiellement. Parce qu'avant, ce n'était pas reconnu, c'est de mémoire. Tout à fait, c'est reconnu. À la différence, par exemple, du psychothérapeute, qui n'est absolument pas reconnu, le psychologue est vraiment reconnu. Nous sommes déclarés au niveau même de... Nous avons un numéro ADELI, donc nous sommes vraiment reconnus par l'État comme pouvant exercer en tant que psychologue. Alors, oui, entre psychologue et psychothérapeute, on peut faire la différence? Le psychothérapeute, tout le monde peut devenir psychothérapeute. Vous souhaitez, par exemple, vous pouvez mettre une affiche au bout de votre porte et dire que vous êtes psychothérapeute. Ce n'est pas un titre reconnu, ça ne se défend pas, si vous voulez. Ce n'est pas protégé. Pas protégé. Alors, non, mais c'est important de le dire parce que, justement, moi, personnellement, bon, je connaissais un petit peu la différence, mais pour notre public, parce qu'ils vont chez un psychothérapeute, il suffit de mettre une blouse blanche, si je peux dire, voilà. Mais on arrive aussi à ce que des personnes, ça demande des compétences. Ça demande. Oui, quelles sont les compétences nécessaires pour devenir psychologue? Alors, déjà, psychologue, c'est un parcours assez long, puisque je vous disais, c'est 5 ans d'études. Ce sont 5 ans d'études qui, en général, sont difficiles, où il faut s'accrocher, où il faut être motivé pour aller au bout. Et on s'est toutes battues aussi pour avoir notre titre. Et donc, on est fiers d'être psychologue de l'éducation nationale. Ça demande évidemment des... Alors, les compétences, c'est ce que vous disiez avant, c'est un mélange de savoir-faire, de connaissances. C'est aussi de savoir-être en tant que psychologue. Ça nous demande énormément de savoir-être, puisque, comme mes collègues vous le disaient, c'est vraiment un métier avec de l'humain. Donc, c'est un métier de contact. Donc ça demande énormément d'écoute, comme Madame Martin vous le disait avant. Mmh. Il faut savoir aussi entendre les demandes qui se cachent parfois derrière la première demande, derrière ce pourquoi on vient nous voir. Et donc ça demande un profond travail d'écoute. Donc tout est dans le relationnel, évidemment. Après, il y a des compétences que l'on a et que l'on met en place en tant que psychologue de l'éducation nationale que les gens ne savent peut-être pas. Parce que moi-même, j'avais le cliché avant... De ceux qu'on appelait avant les COP, donc les conseillers d'orientation, je me disais, bon, ils s'occupent de l'orientation, on y va, ils nous informent un petit peu à partir d'une brochure, et puis voilà. Mais non, ça ne s'arrête vraiment pas à ça, parce que, par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous faisons aussi des bilans psychométriques avec certains élèves. Ça peut être une demande de la famille, c'est souvent une demande de la part de l'équipe éducative. Quand les enseignants, par exemple, se rendent compte que les enfants ont des difficultés, mais qu'ils n'arrivent pas à cibler d'où viennent ces difficultés, nous pouvons, prendre du temps avec ces élèves pour leur faire passer des tests. C'est vraiment un bilan psychométrique. Ça demande tout de même, il faut le savoir, 6 heures de travail, parce qu'il y a environ 3 heures de passation et au moins autant pour traiter ensuite et analyser les résultats. De l'écryptage, on va dire. Voilà, oui, voilà. Analyse de résultats par rapport à ce qui est ressorti du jeune, ce qu'on a pu voir aussi au moment de l'entretien, parce qu'il y a aussi toute une partie qualitative. Et voilà, donc ça, par exemple, c'est aussi une des grandes compétences qui est demandée en tant que psychologue, la gestion de tous les outils psychométriques. Ah, c'est une vocation, je veux dire. Qu'est-ce qui vous a motivé, justement? Quelle était votre grande motivation de devenir psychologue et de rejoindre un CIO? Alors, ce qui est marrant, c'est que... Donc, on fait effectivement des séances collectives. Donc, j'en parlais avec des élèves d'un collège il y a peu qui me posaient la question. Madame, et vous, quand est-ce que vous avez su que vous vouliez devenir psychologue? Donc, oui, on peut parler de vocation, parce que personnellement, j'ai su en cinquième que je voulais devenir psychologue. Et c'était vraiment... la base de la base, c'était vouloir... apporter de l'aide aux personnes. Et en cela, je trouve que le métier de psychologue de l'éducation nationale est un très beau métier, parce qu'on apporte notre aide à des enfants, à des adolescents, aux parents également, parce qu'il y a toute la partie aussi relation aux familles dont on ne tient pas forcément compte, enfin que les gens ne savent pas forcément. Et oui, c'est une vocation et c'est un très beau métier parce que nous sommes dans une relation d'aide et je trouve ça très beau. Oui, il y a un côté altruiste, si je peux dire, d'aller vers l'autre. Il faut avoir des valeurs humaines, je pense, très importantes. Un côté altruiste, aller vers l'autre, c'est un peu l'opposé des personnes qui ont un certain égoïsme, je veux dire. Bah effectivement, c'est un métier altruiste, puisque c'est vraiment un métier, comme tous les métiers avec le contact avec l'humain, ça demande de l'altruisme. Après, je reviens également sur la neutralité, puisqu'on parlait de neutralité avant. Effectivement, ça demande de l'altruisme, mais de la neutralité également, parce qu'on reçoit absolument tout type de public. Et on reçoit notamment des personnes qui sont un petit peu en marge de la société, parfois, des jeunes qui ont tout type d'environnements sociaux, familiaux. Et donc, faut aussi réussir à les happer, ceux-là. Faut pas les oublier dans la balance. Et oui, qu'ils ne soient pas exclus. Voilà. Et faut prendre tout le monde comme il vient, et de manière individuelle. Oui, et avoir un regard, je veux dire, neutre, sans pas porter de jugement. Oui, tout à fait. Et c'est pas évident à faire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes moi, personnellement, je trouve, dans une société normative et de jugement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de plus en plus, est-ce que justement ce regard-là ne contribue pas à mettre les enfants en situation d'échec, les enfants ou, je veux dire, adolescents ou même adultes, hein, y a des adultes qui ont des parcours un peu atypiques et qui se retrouvent un peu écartés de la société, justement. Oui, bien sûr. Et c'est là aussi que le CIO est très important parce que, justement, il y a des jeunes qui se sentent mal au niveau des établissements parce qu'ils ont parfois l'impression, à titre réel, hein, qu'un regard est porté sur eux et que ce regard les mette mal à l'aise. Et justement, le CIO devient cet endroit neutre où ils peuvent venir nous rencontrer pour exprimer ses craintes, pour exprimer ce mal-être. Voilà, on rencontre vraiment tout type de profils, de personnes. Profils, adultes aussi, est-ce qu'il y a justement des adultes, 40 ans, 50 ans et plus, qui viennent vous voir en disant, moi j'ai un parcours, j'ai une déficience, je veux me faire une réorientation, comment ça se passe? Donc ils viennent vous voir, il y a une évaluation qui est faite par rapport aux connaissances, aux compétences, par rapport à ça? Effectivement, les adultes viennent également nous voir, il faut savoir que nous travaillons avec le GRETA, mais que nous sommes vraiment la porte d'entrée pour ces personnes adultes. Donc souvent, des personnes adultes viennent nous voir en expliquant qu'ils souhaitent changer de parcours professionnel, que ce soit choisi ou que ce soit une obligation liée à des contraintes médicales qui sont arrivées en cours de vie. Voilà. Donc effectivement, nous travaillons avec ces personnes un projet professionnel. Nous construisons vraiment, nous sommes dans la construction du projet professionnel pour permettre ensuite à ces personnes de mener à bien, de mettre en œuvre ce projet. Alors, on continue un petit peu, justement, voilà ce qu'est le CIO, la présentation du CIO. On va arriver sur la fin de cette première partie de notre émission. Moi, quand j'entends tout ça, Madame Roussovic, c'est quand même un peu interpellant, quoi. C'est pour cette raison que il a été mis en place, non à la suppression, je rappelle, l'un des CIO qu'on retrouve sur le site internet pour soutenir vos actions. Quelles sont vos grandes craintes, justement, pour revenir un petit peu par rapport à ça? Eh ben, nos craintes, c'est vraiment la suppression du CIO. La structure, le service public pour tous, et qu'on soit cantonné, je veux dire, c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait dire, mais juste en mission dans les établissements scolaires publics. Mmh. C'est-à-dire qu'on va perdre tous les autres publics, qu'on va les laisser à la porte. Parce que je vois pas, si je prends un exemple parmi ceux qui ont été un peu cités, le jeune qui s'est scolarisé au CNED parce qu'il était phobique, phobie scolaire. Il est en grande souffrance, il est au CNED. S'il veut revenir un peu à l'école, on a un cas, elle est venue vers nous, cette jeune fille. On a un dispositif qui s'appelle le DAIP. On a pu, grâce au CIO, la mettre sur ce dispositif pour qu'elle reprenne goût à l'école. Elle y va, elle y retourne petit à petit. On espère qu'à la rentrée, elle pourra retourner au lycée. Sans le CIO, elle ne serait jamais venue dans l'établissement. Les psy n'auraient été en établissement, mais cette jeune fille-là ne serait pas rentrée dans un lycée. Donc on a besoin d'un CIO, d'un service public, ouvert à tous. Et c'est ce qui me fait peur, c'est de perdre ce public-là. Je n'ai pas peur pour mon emploi, j'ai peur pour le public. Oui, ça c'est le côté altruiste qu'on retrouve. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, public, que... auditeurs, auditrices, pour vous aider? On a la pétition, comme vous l'avez dit, et c'est très gentil pour nous soutenir. Mais je pense que chaque citoyen peut aussi interpeller ses élus. C'est une loi, c'est voté. ça va passer au Parlement, donc au niveau des sénateurs, il faut interpeller aussi ces élus. Je ne pense pas qu'un élu ait envie de voir partir un service public qui œuvre quand même par rapport aux jeunes qui recherchent de l'information. Donc, il faut qu'ils interpellent les parents, les familles, les élèves, les étudiants. Il faut aussi interpeller les élus. Il faut nous soutenir avec les pétitions, mais je pense qu'il faut aussi interpeller le corps législatif. Le corps législatif, alors, parce que vous parlez justement des élus, tout ça, c'est que déjà, c'est plus qu'un bruit de couloir, c'est quand même déjà s'avancer en la matière. Oui. Est-ce que vous avez des décrets, des choses comme ça? Est-ce que sur la réorganisation, est-ce que vous avez des informations? Alors, sur la loi qui est en train de passer, c'est clairement dit que l'information et l'orientation va être donnée aux régions. C'est pas dit qu'on va supprimer les CIO. Nous, on est un dommage collatéral, on va dire. Ouais. Alors que dans la loi, c'est bien marqué que par contre, l'Office national, qui est la DRONISEP, alors la direction régionale de l'Office national de l'information sur les études et les professions, va être donnée aux régions. Donc les DRONISEP, les directions régionales, qui constituent notre fonds documentaire, puisque c'est eux qui nous donnent nos outils de communication, vont être donnés aux régions. Donc on n'est même pas sûr. Ça, c'est acté, c'est pour le 1er janvier 2019. Et chaque région pourra faire ce qu'elle veut de cet outil-là, parce qu'elles vont faire une information en fonction de leur vision du monde du travail, peut-être une vision adéquationniste qu'on ne défend pas. Nous, on veut une information la plus objective, la plus neutre possible, et on n'a aucune garantie par rapport à ça, puisque l'État se départ de cette mission. Donc c'est aussi une crainte par rapport à ça. Et ça, c'est acté dans la loi. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une courte pause musicale et qu'on revienne un petit peu après pour reparler justement de cette problématique, reparler du CIO, des actions menées, et ça va se faire juste après ceci. Je suis le plus nul en orientation, je fais que me perdre en chemin. La seule chose que je retrouve, c'est la porte de chez moi. Comme la fois où les lampadaires de mon bloc se sont éteints et que bizarrement ça a rendu mes voisins plus humains. Chaque soir, c'est la même ruse. Ressortir acheter du lait, c'est un problème rude. Vers chez moi, la nuit, y'a pas un chat, mais y'a quand même trois night shops tout le temps ouverts dans la même rue. Oh chérie, regarde, je crois bien qu'on est dans un film. Oh no. Y'a plus que nous dans la ville. Oh non. Plus que nous dans la ville. Oh non. La première fois que j'ai traversé Paris la nuit, j'avais 10 ans, c'était plein de dangers, mais c'était surtout merveilleux. Je peux tout revoir si je ferme les yeux. T'en sais peut-être plus, t'en sais peut-être moins. Tu viens de voir passer une ombre sur 4 ou c'est peut-être moi. D'accord, tu veux savoir si tout va bien? Ouais, tout va bien, tant que je suis sur ma board ou au lit. Si je te réponds pas quand tu parles, c'est parce que plus je regarde ce mur, plus je le trouve parfait pour un Wally. J'ai toujours eu un radar à spot dans la tête. Pour ça, je peux devenir un vrai despote. Le skate, c'était parfait pour combler mes lacunes en sport. 16 ans plus tard, je veux pas savoir comment mes chevilles portent. Oh mon dieu. Oh chérie, regarde, je crois bien qu'on est dans un film. Oh non, y'a plus que nous dans la ville. Oh non, plus que nous dans la ville. Pourtant le 13e n'intéresse pas les provinciaux. Pour se la raconter, c'est moins bien que Montmartre. Tout dans l'apparence, c'est comme ça que le monde marche. Alors pour les fâcher, je mets plus mon masque. Ouais, ouais, ouais, posé dans le bloc. Une belle vue sur le périphérique. Le genre de vue qui rend périphérique. Je te montre là où j'ai vécu 24 ans. Alors qu'on s'est rencontrés, y'a même pas de tour de cadran. Vers chez moi, tout ressemble souvent à un village du sud en moins doux. Tout est tranquille, des gens prudes au caïd. Des bobounes aux baignades nocturnes à la butte au caï. Vivement le mois d'août. Oh chérie, regarde, tu vois bien qu'on est dans un film. Y'a plus que nous dans la ville. Nos deux cœurs viennent juste de se rencontrer, pourvu qu'il leur reste assez de battements. J'ai passé ma vie seule à faire le même trajet. On va pouvoir le faire à deux maintenant. On va pouvoir le faire à deux maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine Libre-Échange. Libre-Échange, aujourd'hui, nous avons une émission spéciale en direct avec le CIO de Verdun. Le CIO, c'est le Centre d'Information et d'Orientation, dans lequel j'ai plusieurs personnes. Alors, je ne peux pas toutes les citer parce qu'on est toute une équipe au fur et à mesure qui ont le plaisir et la gentillesse de m'accueillir pour présenter ce qu'est le CIO. Aujourd'hui, on parle de CIO parce que ça permet au public de voir un petit peu, d'appréhender, d'apprécier le travail qui est fait d'un CIO. Quelles sont les orientations? Parce que vous en aurez besoin, n'hésitez pas à les solliciter. Dans toutes les régions de France, ça existe dans chaque département. Et qui est menacé, qui est en péril. Alors pour le soutenir, justement, porter votre soutien en signant justement une pétition qui est en ligne, non à la suppression des CIO. Vous faites tout simplement ça et vous retrouvez les liens. Alors, on a vu avec Madame Roussovic, on a parlé de l'organisation, on a parlé également avec les psychologues, le travail, tout ça. Et pour aller plus loin dans présenter un petit peu quelles sont ces démarches, j'ai près de moi Maud Leriche, qui est psychologue depuis un peu plus de 20 ans. Bonjour Maud. Bonjour à tous. Donc justement, le CIO, on a vu, il y a toute une organisation. Autour de cette organisation, il y a aussi des personnels administratifs très importants qui sont là, qui filtrent, je veux dire, un petit peu, on peut dire, les appels pour mieux les orienter. Des secrétaires qui sont aussi, qui risquent d'être menacés par rapport à ça. J'aimerais qu'on en parle, parce qu'ils ont une place quand même aussi très importante dans l'organisation. Oui, le secrétariat a une place primordiale. Déjà, elles accueillent les gens pour la première demande. C'est-à-dire que les gens, quand ils passent la porte du CIO, c'est une des deux secrétaires qui le voit en premier. Donc elle trie un petit peu la demande en sachant s'ils ont besoin plutôt d'un entretien, s'ils ont besoin de recherche documentaire, elle peut les aider si le psychologue est occupé par ailleurs. Donc elle est là vraiment pour répondre aussi au téléphone, pour prendre les rendez-vous. C'est elle qui fait toute l'organisation du planning du CIO. On est quand même 6 psychologues éducation nationale, donc il y a quand même un gros planning à organiser. Elles apportent une première information. Elles assurent le suivi, donc c'est très important, notamment une des deux en charge de tout ce qui est le suivi des élèves contre le décrochage. C'est-à-dire qu'elle gère, avec l'aide de la directrice et nous-mêmes, tous les élèves qui arrivent ici, qui sont en décrochage scolaire. Il y a des fiches qui sont remplies et on les suit, on prend des renseignements au fur et à mesure de l'année pour savoir s'ils ont trouvé une solution. Et c'est elle qui fait tout ce travail administratif. Donc ça lui prend énormément d'heures sur l'année. Et puis aussi un gros travail de mise à jour des documents d'information, parce que même si on en a de moins en moins de support papier, avec Internet, etc., on essaye quand même de remplir notre fonds documentaire. Et les secrétaires sont aussi chargés de mettre à jour, de trier et de ranger dans notre kiosque Onicep que tous les CIO ont tous dans leur structure. Alors, dans la continuité des choses, donc voilà, c'est très important. Et ces postes risquent de disparaître ou être mutés, on ne sait pas trop quoi en fait. Non, à l'heure actuelle, rien n'est décidé, rien n'a été. Voilà, mais nous supposons qu'il va être demandé qu'elles refassent des mutations pour retourner en établissement scolaire, puisqu'elles sont éducation nationale, donc il va falloir qu'elles bougent. Donc ça veut dire que certaines qui sont au CIO, on a des secrétaires, c'est pas notre cas à nous, mais qui sont depuis 20 ans, 25 ans parfois installées dans des CIO, qui sont installées avec leur famille, etc., et elles auront peut-être un poste à des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est sûr que ça va bouleverser aussi leur vie quotidienne. Alors justement, vous, en tant que psychologue, votre poste est-il menacé? Est-ce que on risque de vous dire, vous êtes par exemple à Verdun dans la Meuse, on vous dit vous allez Metz qui est pas très très loin, ou si on Paris, Marseille, je ne sais où. Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là? Et est-ce qu'on peut obliger la personne de partir de là? Normalement, non. On a un poste, moi je suis titulaire de mon poste. Normalement, ils nous ont garanti dans les textes, pour l'instant, pour ce qui est sorti dans les textes, notre place est garantie dans les établissements scolaires. Donc on a évidemment, on anticipe et on a un petit peu peur que ça change au fur et à mesure, mais pour l'instant, on sera en établissement scolaire. Donc logiquement, on devrait quand même rester en Meuse et avoir en charge peut-être pas les mêmes établissements qu'on a toutes depuis quelques années. Peut-être qu'il y aura des changements d'établissement, mais en tout cas, normalement, non. On a notre poste. Voilà, on sent quand même qu'il y a des grosses craintes parce que dans Auderme, normalement, croit, on suppose, donc en fait, c'est pas clair, clairement défini. Non, il y a un grand flou. C'est vrai qu'on regarde les textes régulièrement, on reçoit des choses des syndicats aussi régulièrement. On regarde, mais il n'y a rien de défini complètement. Défini complètement. Alors, dans les activités que vous menez, au quotidien et régulièrement, quelles sont les autres activités, les démarches que vous faites auprès justement des populations? Des tests, des choses comme ça? Ah oui, oui, comme a dit Mme Gabriel tout à l'heure, on fait beaucoup de tests psychométriques. On utilise les tests d'intérêt très souvent avec les élèves qui sont à la recherche d'un projet construit. Donc on les aide, on les accompagne pour la construction de leur projet, donc on utilise des tests. Donc parfois on utilise des tests d'intérêt, des tests d'aptitude. Parfois on fait des évaluations scolaires, notamment pour les publics, je crois qu'on en reparlera après, mais des publics allophones. On a des personnes étrangères qui viennent, et donc si elles n'ont jamais été scolarisées, il faut quand même qu'on évalue un petit peu leur niveau dans leur langue d'origine. On a des tests, pas mal de tests dans pas mal de langues, on a de quoi faire. D'ailleurs, souvent, ces gens viennent sans traducteur, en plus. Donc, il faut qu'on se débrouille avec tout ça. C'est un gros boulot. Et puis on les évalue s'ils sont francophones, aussi leur niveau en français, écrit, oral. Donc, on a tous ces tests-là qu'on utilise. Alors, une des fonctions aussi, si je peux dire, du CIO, c'est justement au niveau de la formation. Comment ça se passe-t-il? Ah oui, effectivement. Donc par exemple, Madame Leriche, je vous disais, elle est contractuelle, mais il faut savoir qu'en France, il y a seulement 30% de contractuels sur les postes de psychologue de l'éducation nationale. Que c'est important, 30%. Pardon, oui, énorme, c'est énorme. 30%, ouais, ouais. Parce que les recrutements sont très faibles. Et je te laisse parler, Catherine. Oui, pardon. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a 70% seulement de titulaires. Oui. On remet dans le bon ordre. Et donc effectivement, moi par exemple, je vais prendre mon cas, j'ai commencé cette année, c'est ma première année en tant que psychologue de l'éducation nationale, je suis même arrivée un peu après la rentrée, oui. Donc j'ai vraiment pris l'année en cours, et je me pose la question maintenant avec la menace que le CIO ferme, oui. Comment ça va se passer pour les suivants, pour les prochains psychologues de l'éducation nationale qui commenceraient, parce que on est deux personnes cette année, on est deux contractuels à avoir commencé cette année. Et on s'est rendu compte vraiment très tôt et tout au long de l'année que le centre d'information et d'orientation, donc le CIO, était pour nous un centre de formation. Parce que si le CIO ferme, il n'y aura plus ces réunions en équipe comme nous l'avons actuellement, il n'y aura plus cet environnement, vraiment ces collègues autour de nous. Et vraiment, ça pose question pour les prochains parce que on peut s'en rendre compte, nous, si on avait été lâchés dans les établissements directement à notre arrivée, vraiment, ça aurait été réellement très compliqué parce qu'il y a énormément de choses à savoir, il y a énormément de choses à apprendre que nous n'apprenons pas au cours de notre parcours en tant que psychologue. Parce que devenir psychologue, c'est faire un master en psychologie, mais on n'apprend pas forcément la pratique non plus du CIO puisque on se spécialise après sur le terrain. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, à maîtriser pour devenir psychologue de l'éducation nationale. Et réellement, si Madame Benefortier et moi-même n'avions pas eu la formation que nous avons actuellement avec les anciennes du CIO, on aurait été perdus. Ah, justement, c'est important cet accompagnement par rapport à ça. Justement, Madame Virginie Beneforti, vous êtes psychologue et vous êtes au CIO depuis un an. Alors justement, cet accompagnement, vous pouvez nous en parler un petit peu au niveau de la formation, l'importance de cet accompagnement, comment vous le ressentez ? Oui, l'accompagnement est important puisque moi, quand j'ai démarré à la rentrée, j'ai dû apprendre un petit peu toutes les procédures parce qu'il y a énormément de procédures. Procédures académiques par rapport aux différents cas. Et c'est vrai que j'ai eu l'appui, le soutien de mes collègues psychologues, de la directrice du CIO qui a été très présente. Et le travail d'équipe aussi est important pour qu'on puisse échanger sur les situations particulières, puisqu'on a des situations qui sont très compliquées, très complexes. Et pouvoir échanger ça en équipe, c'est très important pour avoir plus de recul et émettre d'autres hypothèses et ne pas se planter, quoi, j'ai envie de dire. C'est pour ça que aussi un travail, je veux dire, transversal sur un dossier, sur un cas. Donc, vous n'hésitez pas avec vos collègues d'en parler avec les parents aussi. Justement, les parents, vous les invitez à venir aussi. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Déjà, les parents peuvent venir prendre rendez-vous, que ce soit au CIO ou en établissement, donc avec les élèves. Lorsqu'on fait des évaluations pour des élèves qui sont en situation scolaire difficile, donc qu'on pense à réorienter peut-être vers donc des établissements spécialisés ou des cursus adaptés. Donc on fait des évaluations auprès de ces élèves et le compte-rendu se fait systématiquement avec les parents, puisque le travail d'orientation forcément se fait avec les parents. On ne peut pas faire un travail sans eux. Donc on est amené à rencontrer les familles régulièrement aussi, oui. Alors justement, il y a de plus en plus aujourd'hui, on voit de familles recomposées, on voit de plus en plus de familles, je veux dire, mais même monoparentales, hein, beaucoup de familles monoparentales. Est-ce que justement quelque part, ça aussi, ça doit être pas évident à gérer. Oui. Dans le sens à la relation avec, est-ce que ça participe clairement peut-être aussi, est-ce que ça participe aussi ces mouvements familiaux à mettre un peu les enfants en situation d'échec au niveau de la scolarité pour vous? Oui, on voit bien que les situations familiales compliquées impactent sur la scolarité des élèves. Donc, parfois aussi, on a un rôle de médiateur avec les parents. Donc, il faut interpeller la maman, ensuite interpeller le papa à un autre moment, essayer de discuter pour trouver un consensus. Et c'est vrai qu'aussi, le travail en équipe au sein de l'établissement avec l'infirmière, avec l'assistante sociale, avec la direction, il est important aussi. On ne peut pas travailler seul, quoi. C'est pas possible. C'est bien la preuve, l'importance qu'a le CIO, et je rappelle une nouvelle fois, pour soutenir justement l'action, pour maintenir ces CIO, vous faites sur Internet non la suppression des CIO. Allez signer, je vous invite, cette pétition de soutien que moi j'ai fait. Et là, on va continuer un petit peu, on va entrer dans un autre domaine, un peu aussi une facette qu'a le CIO. Emmanuel, justement, le CIO, vous recevez des personnes, on voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes. J'ai une émission qui s'appelle Environnementalement Vôtre, sur laquelle je parle du réchauffement climatique avec ces problématiques-là, dont les conséquences, on ne connaît pas, enfin, on évalue très mal, et notamment sur l'immigration. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui viennent de l'étranger, qui sont surtout en situation de précarité. Ils ne demandent pas à partir, c'est ce que j'explique. Et avec le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Justement, alors bien souvent, on cite Paris, on cite le nord de la France, mais ce sont des personnes qui arrivent un peu de partout. Est-ce que, justement, vous avez une demande là pour... ce sont les gens qui veulent se rattacher à la vie, qui veulent se rattacher à de l'éducation aussi, et notamment l'orientation des enfants. Est-ce que vous avez des demandes en la matière? Oui, effectivement, ça fait 2-3 ans, on va dire bien 3 ans, qu'on a justement des élèves, des jeunes qui arrivent de pays, alors soit pas mal de pays africains, mais aussi des pays de l'Est, hein, soit ils viennent avec leur famille, donc ils sont accompagnés sur les structures de Verdun par le CADA, sinon c'est des jeunes, des mineurs isolés, et là ils sont accueillis, alors soit en famille d'accueil, ou soit au DAMI. Nous on a un dispositif sur Verdun qui accueille justement ces jeunes-là. Et donc d'où au CIO, quand ils ont moins de 16 ans, l'obligation d'être scolarisés, donc la démarche de ces accompagnants, hein, parce qu'ils sont accompagnés, bien évidemment, ils viennent au CIO, alors comme disait ma collègue, hein, Catherine, hein, effectivement, on n'a pas de traducteur, donc il faut qu'on se débrouille parfois. Et puis, donc nous, on est amené à faire des tests, donc des positionnements. Donc, on a, comme disait Maud aussi, on a des tests dans différentes langues. Donc, on les évalue sur leur niveau de maîtrise dans leur langue. S'ils maîtrisent le français, parce que dans les pays africains, souvent, ils sont francophones. Donc, ils ont pu avoir une scolarité ou pas. Hein, des fois, c'est compliqué. Donc, on les évalue aussi un peu en français. Il y a des positions... Qui facilitent les choses. Oui, même aussi. S'ils ont un français, je veux dire, oui. Un petit peu... À l'écrit, c'est compliqué. À l'oral... Mais au moins, ça permet de communiquer beaucoup plus facilement. Oui, tout à fait. Et puis, de savoir quels sont leurs besoins. Parce que là, voilà, c'est sûr, ils arrivent, mais il faut savoir quels sont leurs besoins aussi. Pour mieux les accompagner et puis les intégrer dans notre système éducatif français qui n'est pas le même dans tous les autres pays et qui a ses complexités, etc. Donc voilà, on fait les positionnements en maths. Et puis une fois qu'on a fait le positionnement, on retransmet les résultats aux jeunes, hein, pour qu'ils puissent savoir comment il est dans sa position. Et ensuite, on envoie ça à l'inspection académique qui affecte l'élève. Alors nous, on a deux structures sur Verdun pour les jeunes qui sont allophones, pour qu'ils puissent être accompagnés sur la maîtrise du français. Hein, parce qu'on sait bien que le français, c'est une première étape, hein, pour pouvoir après être inséré dans la vie tous les jours. Et donc, il y a des structures, donc l'UP2A s'appelle, pour les moins de 16 ans, donc au collège, non, un collège support sur Verdun. Et puis, pour les plus de 16, parce qu'on s'était aperçu il y a quelques années qu'il y avait un fossé entre un élève qui est dans l'obligation scolaire de moins de 16 ans et puis un jeune qui a entre 16 et 18 et il n'y avait rien pour l'accompagner. Après, c'était le droit commun en plus de 18 ans. Donc, on a créé aussi une structure UP2A en lycée pour accompagner ces jeunes dans leur scolarité, quoi, en fait. Hein, parce qu'on veut aussi qu'ils réussissent. Bien sûr, c'est important pour faire suivi de la scolarité. Alors, je parlais des cas de personnes qui arrivent, on parlait du réchauffement climatique, on parlait des personnes qui arrivent de pays étrangers immigrés là, mais il y a aussi des familles qui se créent, je veux dire, qui se reconstituent, par exemple, moi c'est le cas, où, je veux dire, ma future épouse, elle arrive ici en France, là, avec sa fille, et justement, j'ai eu le plaisir de rencontrer Anne-Sophie Martin. Alors, j'aimerais bien que, justement, sur ce cas concret, hein, je le prends exprès, parce que c'est vécu et j'ai un petit peu. Quelles sont les démarches? Comment ça se passe? Alors, les démarches à suivre, effectivement, c'est. La première démarche, hein, c'est venir au CIO. Donc, vous venez au CIO, il y a un premier accueil qui est donc mené. Et puis, ensemble, on essaie de voir quelle est la scolarité correspondante à l'élève. Donc, on prend dans un premier temps déjà donc, son nom, son prénom, puis bien sûr son âge, et aussi la scolarité dans le pays d'origine. Et à partir de là, on a des tableaux de correspondance, en fait, du pays d'origine et du pays, enfin, et en France. Et donc, on fait les correspondances pour voir à quel niveau correspondrait l'élève par rapport à l'âge. Est-ce qu'il y a des... Justement, on parlait de tableaux de correspondance. Alors, on parle aujourd'hui, par exemple, au niveau européen, la reconnaissance des diplômes. Bon, ça peut être, je veux dire, une personne, un élève qui vient de Hongrie, qui ne parle pas français. Mais bon, il y a des pays francophones comme la Roumanie. Mais donc, communauté européenne, je veux dire, intra-Union européenne et extérieure. Et au niveau de l'Europe, il y a des reconnaissances des diplômes. Est-ce qu'il y a des équivalences justement au niveau de la scolarité, au niveau est-ce qu'il y a aussi des différences? Comment ça se passe? Alors, il y a des équivalences et des différences. Donc, on essaie déjà de voir à quel niveau correspond l'élève. Et en fonction, on va faire passer effectivement des évaluations, donc des tests en maths et français, en fonction du niveau de scolarité du pays d'où il vient. Et si c'est un pays extérieur, c'est pareil? Oui. Alors, vous dites en français, et si la personne ne parle pas français? Ah, it's a question. Alors justement, on a toute une batterie de tests écrites dans la langue, dans la langue étrangère. Alors par exemple, Kala, elle parle ukrainien, elle parle russe, est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous avez, comment ça se passe? Vous organisez autour les tests, parce qu'il faut avoir aussi les interprètes, traducteurs si je peux dire. Alors, peut-être que vous parlez russe, ukrainien. Non, je parle. Elles ont des ressources. Elles ont des ressources. Oui, donc en fait, il y a des tests qui sont faits dans la langue. Donc, si c'est pour, il y a des tests en russe, il y a des tests en arabe, il y a des tests en inuit. Je plaisante. 192 langues, je crois, quand même. Comment vous dites ? Je pense qu'il y a à peu près 170 ou 190 langues étrangères. Donc il y a du cyrillique, ils ont des tests. Alors par contre, elles font preuve d'une grande souplesse, parce qu'il n'y a pas toujours des traducteurs qui accompagnent les jeunes. Donc merci Google Traduction, je fais de la pub. Mais je crois que sans ça, de temps en temps, elles n'y arriveraient pas. Elles ont un niveau d'anglais qui est une langue internationale pour pouvoir échanger, mais elles font preuve de grandes ressources pour pouvoir justement accompagner les élèves étrangers. Oui, je vois bien. Et d'où l'importance d'évaluer pour que la personne, l'élève, je veux dire, soit à un niveau correspondant. Parce que ça ne veut pas dire automatiquement, je veux dire, un niveau, on va dire, cinquième ici en France, n'est peut-être pas évident. Et la façon, l'éducation, le niveau scolaire, mais aussi la méthodologie d'éducation, tout ça, ça va être assez perturbant. Oui, alors c'est perturbant effectivement pour l'élève. Donc d'une part, effectivement, il y a ces évaluations-là qui vont nous permettre de pouvoir lui dire plutôt telle ou telle classe. Mais il y a aussi ce dispositif, notamment pour les collégiens, par rapport au cas concret que vous venez d'évoquer. Oui. Il y a ce dispositif-là pour justement la maîtrise de la langue française. Donc c'est un renforcement qui leur est donné en plus. C'est ce qu'on appelle des cours FLE, donc français et langue étrangère. Donc c'est une aide précieuse pour ces élèves-là qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue française. Et pour justement les baigner dans ce bain linguistique qui est la langue française. Alors justement, on prend le cas concret là, de Sophia, elle a 13 ans, elle est en train de s'entraîner, si je peux dire, elle apprend le français, donc elle arrive avec un français, je veux dire, assez, je veux dire, niveau débutant, on va dire. Comment ça se passe? Parce qu'il faut qu'elle suive ses études d'un autre côté. Est-ce qu'elle peut, parce que suivre des études en français, elle risque de décrocher? Non. Comment ça se passe? Et avec la formation FLE, concrètement, bon, elle rentre, on va dire, janvier ou de septembre à l'école, comment ça se passe? Alors donc elle est mise dans une classe de son niveau, et puis ensuite plus le dispositif qui accompagne. Donc normalement ça doit tout le monde est là pour l'aider. Mais est-ce que il y a le temps nécessaire? Est-ce que je veux dire, c'est le temps pour d'adaptation, il va dépendre des uns et des autres. Ça dépend mais... aussi de l'âge de l'enfant, parce que là, le bain linguistique, c'est ce que dit Madame Martin, en étant immergée dans une classe, en suivant avec les autres, le bain, elle est jeune. Et donc oui. Le bain linguistique, ça va favoriser les choses avec le langage courant, voilà. Oui, et par contre, il y aura des heures d'accompagnement avec un professeur formé au français langue étrangère pour justement travailler les petites spécificités. Mais plus ils sont jeunes, plus le bain linguistique, on s'en est aperçu en les mettant avec des jeunes de leur âge, ils apprennent très vite. Très bien. On a confiance en eux aussi, ils sont jeunes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, vous avez raison. Alors justement, là on arrive à la fin de notre émission, ça passe vite, hein, comme je vous l'avais dit. Dans vos missions, Madame Roussovic, justement, vous avez des missions, vous travaillez avec les missions locales, vous travaillez. Vous pouvez nous préciser un petit peu tout ça, parce qu'on s'imagine, bon, en tant que cadre, bah, moi je suis là, je gère, j'arrive le matin, on donne un petit peu les ordres, terminé, enfin on répartit. Non, c'est beaucoup plus compliqué, complexe que cela. Oui, le CIO a une fonction d'observatoire du district pour les partenaires, mais aussi pour l'éducation nationale, puisque je m'occupe d'une commission qui s'appelle la formation orientation. Et je fournis, je regarde comment fonctionnent les établissements au niveau de l'orientation. Donc je fais des statistiques, on fait des documents pour informer, parce qu'il faut être extérieur pour voir comment ça marche. Et donc c'est un peu notre rôle en tant que CIO d'être extérieur. Par contre, on a aussi des échanges avec les partenaires, parce que je m'occupe par exemple au niveau... du CIO de Verdun, de la plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs. Donc je travaille en partenariat avec la mission locale, avec Pôle emploi, pour justement retrouver les jeunes décrocheurs. On vous en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est un gros travail, puisque on a une mission au niveau, c'est une mission de l'éducation nationale, le CIO a un service déconcentré de l'éducation nationale, d'essayer de rattraper, de retrouver les décrocheurs et de leur proposer des solutions. Et ça, je ne peux pas le faire sans les partenaires. Et il faut un suivi régulier derrière. Ah ben, en général, comment ça se passe, le suivi? C'est au cas par cas, vous allez me dire. Mais on va dire, c'est tous les semaines, tous les mois. Alors, on a plusieurs campagnes, en fait, par rapport au décrochage, parce que on a créé un outil qui s'appelle Rio, qui est là, qui regarde les élèves qui étaient là à N, par rapport à N-1, et on regarde tous ceux qui ont disparu. Tous ces disparus, on va dire les perdus de vue. On essaye de demander aux établissements s'ils savent ce qu'ils sont devenus. S'ils ne savent pas, je cherche toute mon équipe d'essayer de les contacter par tous les moyens pour leur proposer un rendez-vous. Essayer de leur proposer des solutions. C'est pour ça que je fonctionne avec la mission locale en partenariat, parce qu'ils ont des propositions, des outils, ils ont des dispositifs. Nous, on en a aussi dans l'éducation nationale, mais si on ne fonctionne pas en partenariat, on n'arrivera pas à proposer des choses. Et c'est une forte mission, et toute mon équipe travaille là-dessus. C'est pour ça qu'on a parlé aussi de la secrétaire, qui fait aussi du suivi, qui rend toutes ces informations. Donc on a deux campagnes par an, on en a une actuellement et une en décembre. Et ça nous prend 2 à 3 mois à chaque fois pour essayer de contacter tous les jeunes. Oui, donc on constate qu'il y a un travail vraiment transversal au sein de l'équipe, du CIO proprement dit, mais aussi extérieur. C'est transversal, vous parlez de la mission de